Bombe E, E pour électromagnétique. Son principal effet, la destruction de tous les systèmes électriques et de communication pris dans son rayon d'action. Ordinateur, réseau téléphone, radio, télé, radar. Une bombe capable de tuer aussi, agissant comme un four micro-ondes, elle fait bouillir l'eau des cellules humaines de l'intérieur. Des fois, je me fais des films ou des fous des fils, habillés de filet derrière la flamme, ils se faufilent avec des idées folles, rigides et figées comme des fossiles, des drapeaux infâmes à l'effigie des imbéciles. Voilà ma cible que j'ai libide aussi rapidement qu'un battement de cils. L'on fait du rap iconoclaste, les médias s'emparent notre art pour manipuler la masse. Ils diffusent que du rap malsain, loin de nos classiques et du rap conscient. Ils contrôlent le business de l'industrie musicale et c'est en toute impunité qu'ils pratiquent la manipulation mentale. Ils savent très bien qui écoute cette musique, ils se l'accaparent et créent un stéréotype. Ceux que tu combats sont les mêmes qui te mettent des coups bas. Pas de cas par cas, un grand boulet et une grosse rodka. Tout c'était prémédité et le rap devient un cliché qui leur sert à glorifier les valeurs qui t'ont tant horrifié. Le plus grave c'est que le public concerné fonce la tête baissée, souvent les yeux cernés, pas prêts à se rabaisser, mais finissent toujours menottés, les bracelets au poignet. Ils t'encouragent à noircir des pages de rage. Tes frères tu décourages, ils font de tes peines ta cage. Tu crois être libre, mais c'est pour ton ennemi que tu tapines. Glorifie la folie, engraine tes frères à devenir ouf. Ils se frottent les mains pendant qu'on sombre dans leur gouffre. Tu me prends pour un novice et toi pour la supernova du vice. Tu me dis que j'ai pas le niveau mais le meilleur dans l'ego trip, bah c'est Narcisse. Sur ce beat c'est toi l'élève qui rentre dans ma matrice. Mes directives sans effectif te laissent des cicatrices, des lésions cérébrales, traumatisme verbal à ta disposition pour toutes les positions, toutes les propositions. Je n'y fais jamais opposition, garder la pole position. En guise de sommation, mon son assemblant des clichés de consommation. Loi de la manipulation de la population, mon interprétation que la situation se dégrade est leur seule motivation. J'ai toujours rêvé d'un monde meilleur, où le bonheur serait loi, où les soldats seraient troubadours, où l'anarchie serait comme une fleur qui pousserait dans les rues à la place du chien mort. Mais aujourd'hui, elle est changée. Aujourd'hui, j'en ai rien à branler. Rien à branler. Un yaourt qui change les idées.